Shalom, shalom, shalom. Nous avons eu un petit souci. Que le Seigneur nous bénisse, tout ce que le Seigneur nous fortifie. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Cette école-là qui te prépare à ton éternité, qui te prépare à ta destinée. C'est l'école de la grâce. Donc, je disais que ce soir, nous allons parler d'un monsieur qui a brûlé son épouse parce que son épouse l'a quitté. Je vous ai dit que l'école d'Esther, c'est une école qui parle des choses, des faits de la vie, des choses de la vie qui éduquent les gens, qui amènent les gens à prendre conscience de leur existence sur la base de la parole de Dieu. Donc, nous allons partager également les témoignages du programme que nous venons d'achever sur la délivrance de l'homme intérieur. Les témoignages sont terribles, sont légions, sont énormes parce que le Seigneur a délivré ses enfants, le Seigneur a guéri ses enfants, le Seigneur a béni. Partageons la vidéo. Tout à l'heure, on a eu un petit incident, c'est pas grave. Donc, nous partageons la vidéo, nous invitons les gens à venir écouter. Et je vais aussi parler de la sorcellerie parce que je vous ai dit que moi j'ai des lunettes pour voir la sorcellerie. Je vois la sorcellerie partout et cette année, c'est mon année où je combats la sorcellerie. Donc, pendant que nous écoutons cette adoration, nous partageons la vidéo. Alléluia. Viens avec lui, traverse partageant, invitant. Ce soir, c'est une soirée de prière, une soirée spéciale. Viens avec lui et allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Avec Jésus, nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Nous sommes sûrs d'arriver sur l'autre port. Nous bénissons le Seigneur, nous célébrons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est le Roi des Rois. Adore le Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur là où tu es. Et mon âme te adore. Et mon âme te loue. Ce soir, nous allons beaucoup adorer le Seigneur parce que à la fin de ce programme, il s'est manifesté, il nous a fait du bien. Alléluia. Qui monte dans mon cœur un cantique d'amour pour notre sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté. Partageons la vidéo. Sa place est à mes côtés. Non, je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Partageons, nous partageons. Car la clé de l'amour. C'est mon maître qui le tient. Quand il me tient la main, nous pensons voir dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul tout pour moi. Alléluia, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, l'Éternel est bon. Adore le Seigneur là où tu es. Alors commence à dire que l'Éternel est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Notre Dieu, il est très bon, il est le meilleur des meilleurs, il est le Dieu des dieux. Nous l'adorons, nous le bénissons, nous le célébrons. Seigneur, pendant cette émission, reçois l'adoration, reçois l'élévation. Reçois, reçois la louange, reçois l'honneur. Bénis le Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur là où tu es. Élève le Seigneur. Alléluia, saint. Célèbre le Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Et Dieu, il est bon, le Seigneur. Je traite mon papa. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Alléluia, alléluia. L'Éternel est très bon. Alléluia, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Seigneur, nous venons te recommander cette émission. Nous venons te recommander les appareils, le réseau et tous ceux qui vont écouter, Seigneur. Nous disons que tu es bon pour nous, tu es bon pour moi, tu es bon pour tous ceux qui se connectent, tu es bon pour ceux qui partagent, tu es bon pour tes enfants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Chante avec moi, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est le meilleur des meilleurs, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. L'Éternel est bon pour moi, je sais qu'il est aussi bon pour toi. Chante que l'Éternel est bon là où tu es. Dis l'Éternel est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. L'Éternel est bon, c'est pour ça que nous le célébrons, nous le bénissons, l'élevons. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, alléluia. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Mama Tiana, je vais bien par la grâce du Seigneur. Et ce soir, c'est une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la bénédiction, l'école de la sagesse, l'école du trône. Je vous ai dit que cette émission, je vais vous faire le débriefing de notre programme de prière. C'était riche en enseignement, riche en bénédiction, riche en témoignage, riche en délivrance, riche en quoi encore? En guérison, riche, riche, riche, riche. C'était un programme très riche. Et vraiment, le Seigneur est bon. Il a fait des grandes choses. Le Seigneur a libéré. J'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages. Le Seigneur, on a eu beaucoup de témoignages. Et les témoignages de la dernière soirée m'ont vraiment touchée. Parce que j'ai demandé aux gens qu'en dépit des témoignages de guérison, en dépit des témoignages de bénédiction financière, parce qu'il y en a eu, les finances débloquées, débloquées, c'était terrible. Les gens ont été bénis comme ça. Les dossiers, Shalom à tous qui se connectent, soyez bénis, je vous vois. Les dossiers débloqués, il y a eu tellement, tellement de bénédictions financières, de bénédictions matérielles, de bénédictions sociales. Il y a eu des mariages, il y a eu des restaurations, des guérisons, des bénédictions familiales. Vraiment, l'Éternel est bon. Des rêves, les gens qui rêvaient mal, qui ne rêvent plus mal. Vraiment, le Seigneur a délivré les rêves. Les gens qui rêvaient toujours en famille, qui se retrouvent maintenant libérés. Vraiment, c'était un témoignage, un programme très riche. Très, très riche. Et donc, comme je le dis à la fin, j'ai demandé aux gens de me dire, est-ce que vous avez seulement reçu les délivrances et les bénédictions? Est-ce que quelqu'un n'a pas remarqué que son comportement a changé? Oh là là là, j'étais encore comblée. Quand j'ai entendu des gens qui ont témoigné comment le Seigneur les a délivrés et de la colère et de ci et de ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un témoignage pour me dire, maman, le Seigneur m'a délivré du mensonge. Parce que dans ma famille, on mentait. Le mensonge était notre pain quotidien. Et le Seigneur m'a libéré. Elle me dit, maman, quand j'étais avec mon ex-conjoint, il me donnait de l'argent. Mais je me retrouvais en train de mentir pour qu'il me donne encore de l'argent. Franchement, j'étais touchée. Et les gens qui ont dit, oui, quand j'ai commencé le programme, j'étais impulsive. Envoyez les cœurs pour stabiliser le réseau, soyez bénis. Et j'étais impulsive. Et à la fin du programme, j'ai changé. Je suis devenue patiente. Je suis quelqu'un qui lit la Bible. J'avais acheté ma Bible, je n'arrivais pas à la lire. Maintenant, je suis en train de lire ma Bible. Je prie 3 heures de temps. J'ai eu des témoignages et ça m'a ramené dans la parole de Dieu de 1 Corinthiens où l'apôtre Paul disait, même pas aux Corinthiens, même aux Romains, dans les débuts de ses épîtres, il a dit, j'ai toujours fait le projet de venir chez vous afin de recueillir les fruits chez vous, en fait que nous soyons fortifiés par les fruits de l'esprit que moi je manifeste et les fruits... Envoyez les cœurs. Et les fruits spirituels que vous manifestez afin que nous soyons fortifiés. Donc, ces fruits de l'esprit m'ont également encouragé. Je dis, mais Seigneur, en dépit de la délivrance, des guérisons, des restaurations, parce qu'on a eu vraiment des guérisons. Des gens qui ont trouvé l'emploi, il y a eu des business qui ont décollé. Il y a une sœur qui nous envoyait témoigner ses papiers de ses enfants. Débloquer les enfants, l'école, tout ça. Donc, il y a eu tellement de témoignages. Je vous fais écouter quelques-uns. Envoyez les cœurs pour stabiliser le réseau. Envoyez les cœurs dont le Seigneur a fait. Et vraiment, beaucoup de personnes, leur vie. Il y a une soeur qui me dit, je priais, j'ai écouté les gens prier, j'ai prié avec les serviteurs de Dieu. Les églises sont nées dans ma maison. Mais maman de Dieu, ma façon de prier a changé. Tu nous as enseigné à prier. Je prie avec révélation. Maintenant, quand je prie, j'ai dit vraiment ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis dans la joie et je bénis Je bénis, envoyez les cœurs pour stabiliser le réseau chez vous et partagez encore la vidéo. Je bénis le Seigneur. Beaucoup de gens ont compris beaucoup de choses et c'est un programme qui était équilibré. Je vous ai toujours dit que la parole de Dieu est équilibrée. Quand je viens vous parler du ciel, je dois aussi vous parler de la terre. Jésus a dit, quand Pierre lui a demandé que nous qui avons tout quitté, quelle est notre part sur la terre ici? Et Jésus a dit à Pierre que ceux qui ont quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, et les maisons, et les frères et les soeurs, ils vont récupérer. Donc ce soir, je ne parlerai pas fort parce que je suis un peu fatiguée après ce temps de prière parce qu'on a fait, nous sommes à plus de 100 jours de prière. Le premier programme, c'était 50 jours. Après, je n'ai pas eu de temps de repos. J'ai eu lancé le programme. Le deuxième qui allait à plus de 40 jours. Donc, il me faut un petit repos et ma voix et ma gorge et physiquement même, alléluia, il me faut un peu souffler avant de reprendre le prochain programme qui commence le 15 de ce mois. Donc, j'invite les personnes, toi qui as des problèmes spirituels, toi qui as des problèmes, tu fais des mauvais rêves, je vous ai expliqué et je vous expliquerai toujours que le rêve est la température de ta vie. Ce sont tes rêves qui définissent ta santé physique, spirituelle. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qu'elle fait des mauvais rêves, elle fait des excréments dans les rêves qu'on oblige. On la fouette dans les rêves. Elle se réveille le matin, elle est bastonnée. Et inscrivez-vous à ce programme. Parce que pendant les programmes, nous prenons le temps de travailler, nous prenons le temps de prier, nous prenons le temps d'écouter des personnes. Vous savez, on ne peut pas écouter toute la terre, on ne peut pas écouter tout le monde. On écoute les gens qui s'inscrivent au programme. On prend des engagements avec ces personnes de les accompagner, de les suivre, de prier pour elles. On prend le temps pour les personnes de trouver quel est leur problème et d'apporter la solution. Donc, inscrivez-vous à ce programme. Ça commence le 15. Et nous allons... Voilà, nous allons avancer, nous allons encore pousser en profondeur. Ceux qui se sont inscrits aux deux premiers programmes, vous pouvez encore vous inscrire parce que ce n'est pas la même chose. C'est vrai que je parlerai toujours des rêves, je vais parler de ton étoile. Toi qui as besoin que ton étoile brille, pardon, viens. Il y a des étoiles qui ont déclenché. Il y a des choses qui ont été débloquées. Il y a des trucs, c'est parce qu'il y a des témoins qu'on ne peut pas venir partager ici. Des foyers restaurés, des vies libérées, surtout les programmes au niveau des rêves. Les gens qui avaient des couches de nuit, les couches de nuit sont finies. Les gens qui mangeaient dans les rêves sont purifiés, sont restaurés. Attendez, je vais vous trouver quelques témoignages. Les attaques, les gens qui avaient des attaques, c'est pas possible. Des attaques. Les attaques sont finies. Si vous comprenez que les attaques sont finies. Alléluia. Les attaques sont finies. Je vous ai dit que tous les témoignages, si vous voulez tous les témoignages, parce que je ne peux pas vous faire écouter tous les témoignages seront sur le site de l'école d'Esther, l'écoledesther.com. Donc, je mets tous les témoignages sur le site de l'école d'Esther et vous partez vous servir là-bas. Il y a tous les témoignages, vous aurez tous les témoignages sur le site de l'école d'Esther. Vous ne devez pas rater la prochaine session aussi. Shalom, shalom, shalom, shalom. Maman. Écoutez le témoignage. Tu viens rendre gloire à Dieu pour la merveille, tes bienfaits dans ma vie. Il a tellement fait Dieu vivant. Il restaure. Jésus délivre. L'une des premières choses, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que cette semaine-là, les gens m'ont tellement béni. Avant, lorsque les gens me bénissaient, maman, je voyais des femmes nues dans mes rêves. Des femmes nues, je voyais seulement les gens nus. Même les hommes, je voyais les gens nus seulement. Nus. Quand quelqu'un me bénit, un ou deux jours après, je vois les gens nus. Mais aujourd'hui, là, je ne vois plus ça. Je ne vois plus les choses comme ça. Par la grâce de Dieu. Et deuxième chose, c'est que lorsque le Seigneur me parle, dans les rêves, je comprends, je retiens. Avant, il y a quelque temps, quand le Seigneur vient me parler comme ça, c'est comme s'il me parlait au loin, je n'arrive pas à saisir ce qu'il dit. Je ne saisis pas correctement ce qu'il dit. Parce que quand je me lève même le matin, je dis que Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Je sais que ce que tu as dit est important, mais comment je n'ai pas saisi cela, Seigneur? Parle-moi, Seigneur. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur me parle, je comprends, je retiens. Parce que je me réveille, je sais que lui a dit que je dois faire ci, ça, ça, ça. Amen. Avant, je n'avais pas ça. Par la grâce de Dieu. Oh, maman. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette nuit-là, aujourd'hui, cette nuit-là, j'ai rêvé comment vous étiez en train de prier pour moi. Et le Seigneur m'a dit, tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Maman, maintenant, que Dieu vous bénisse. Toute la gloire revienne à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous bénisse puissamment. Amen. Merci. Merci pour le formidable que le Seigneur accomplit. Partage la vidéo. Au travers de votre vie. Que Dieu vous bénisse tellement. Que Dieu vous bénisse, vous préserve. Que le Seigneur préserve votre âme, vos enfants. Que le Seigneur préserve votre mari. Que le Seigneur préserve votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci maman, merci beaucoup. C'est une personne qui, elle n'a même pas, on est encore en train de prier parce que Satan vient faire ses 40 jours. Elle n'a même pas encore fait 2 semaines, le Seigneur a déjà restauré ses rêves. Il a restauré, elle voyait des personnes nues. Quand tu vois des personnes nues dans les rêves, c'est la malédiction. Bientôt maudit dans les rêves. Et on a traité ça en profondeur, en long et en large. C'est terrible. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer comme ça parce qu'on n'a pas assez de temps déjà. Et c'est des choses comme ça, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas expliquer. C'est des choses comme ça. Il faut que vous venez vivre ça. C'est des témoignages extraordinaires. Oh, shalom, c'est un témoignage. Après la nuit, que vous vous rappelez lorsque vous avez dit, on promène avec tes photos chez les marabouts, on promène avec tes photos chez les marabouts. Vous êtes nombreux. Lorsque vous avez commencé à dire ça, je sentais un battement de cœur rapidement fort. Et je le sentais la chair de pousse, comme s'il y avait quelque chose qui tombait sur moi. Je voulais vous dire, hier, j'ai laissé. Je me couchais ce matin, maman. La femme de mon frère vient, elle me dit, Simon, fais attention à toi. Ta photo est chez ton frère. Ta photo est chez mon mari. Parce que ça, c'est sa femme qui me parle que ma photo... Mes photos est chez son mari. Et chez son mari. Donc il me dit de faire attention parce que mon frère dit qu'il n'a pas cru, il ne pensait pas que j'allais arriver en Espagne. Donc lui, il pensait d'aller avec lui. Ça, c'est un témoignage de quelqu'un pendant que je priais. J'ai eu une parole de connaissance. Hein? Et il y a une femme qui m'a dit aussi que. Elle ne savait pas que je prophétisais. Et quand nous prions, il y a des moments où j'ai des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des révélations et tout. Et puis pendant que je priais, le Seigneur me montrait des photos des gens dans des maisons, des féticheurs. Et j'ai commencé à parler et je priais et je priais. Et il dit, pendant que je priais, il avait la chair de poule. Et c'est passé. Donc maintenant, quand il va dormir, il fait un rêve. Où la femme de son frère vient lui dire que ah, mon mari a amené ta photo chez un féticheur pour te bloquer parce qu'il se dit que ta vie est en train d'évoluer et c'est ce qu'il est en train de raconter. Donc il y a des délivrances qui se passent, beaucoup de délivrances. Vous allez écouter d'autres témoignages, il y a tellement de témoignages. Maman, merci beaucoup pour le programme de prière terminé dans la nuit. Je te remercie beaucoup parce que pendant ce prière, j'ai beaucoup appris. Pendant ce programme, j'ai beaucoup appris. Moi qui étais rancunière, mon cœur commence à s'attendrir. Moi qui étais arrogante, je commence déjà à demander pardon. Même à l'hôpital, quand je soigne un patient, dès qu'il fait aïe, j'ai dit, monsieur, pardonnez-moi, je vous demande pardon. Mm-hmm. C'est des choses que je ne faisais pas. Moi qui étais agressive, je commence à être douce. Moi qui étais violente, je suis douce. Même dans les paroles, hein, maman. En tout cas, le programme m'a fait beaucoup de bien. Et le programme. programme-là m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup appris. Je ne peux que te dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Et quand je parle de douceur, maman, je veux compléter le message. Mon mari est très violent, verbal, physique, moral. Et du coup, il me les a contaminés. Donc du coup, moi qui étais dans mon coin tranquille, lui qui me répond souvent avec violence, moi aussi j'ai commencé à parler avec violence. J'ai aussi commencé à résoudre les problèmes avec violence. Donc du coup, j'étais comme ça. Mais avec ce programme, avec tout ce que tu as expliqué, j'ai compris maintenant, j'ai compris beaucoup de choses, maman, vraiment beaucoup de choses. Hein. Et je sens que je suis délivrée, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, je sens que je suis délivrée. Parce que je me connais, je sais pourquoi je dis ça. En tout cas, le programme-là m'a fait du bien. Et je te remercie beaucoup, maman. Ça a beaucoup changé les choses, beaucoup de choses en moi. Ça a beaucoup changé beaucoup de choses dans ma vie. Merci beaucoup. Alléluia. Il y a des personnes, vous voyez, c'est un témoignage de transformation physique. Il y a un témoignage que quelqu'un m'a envoyé me disant qu'elle avait une grosse ride sur son visage. Pourquoi elle avait la ride? Parce qu'elle était toujours en colère, toujours fâchée. Et maintenant, elle se rend compte que la ride a disparu. Elle dit, waouh, ça a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je suis joviale, je suis paisible, je suis calme. Donc, ce qui me réjouit encore le plus, c'est que le Seigneur est en train de sauver les âmes. Il est en train de transformer les personnes. Vous avez écouté le témoin. Elle dit qu'elle était violente. Pourquoi? Parce que son mari était violent, verbal, physique et tout. Et quand tu vis avec des personnes comme ça, la personne t'amène aussi à être violente, à être désagréable, à être méchant. Mais dans ce programme, nous travaillons comme c'était le thème, l'homme intérieur. Parce que ce que nous disons tous les jours, que je rappelle aux gens, même quand ceux qui viennent écouter mes vidéos, je leur dis la chose la plus importante, c'est le salut de nos âmes. Et c'est avec nos âmes que nous allons aller au ciel. Et nous sommes là en train de préparer l'enlèvement. Donc si tu es béni sur la terre et pour aller en enfer, ta bénédiction là c'est une malédiction. Ça ne sert à rien. Donc en dépit de tout, on se bat pour aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu as épousé une mauvaise personne. Vous allez écouter le témoin. Là, tu vas encore faire, ça c'est maintenant le thème là, l'homme qui a brûlé sa femme, si vous allez écouter ça encore tout à l'heure. Ce n'est pas parce que tu as épousé un sorcier que tu as devenu sorcier. C'est vrai qu'il te contamine, vous allez écouter. Quand tu épouses une méchante personne, si tu n'as pas la grâce de Dieu, cette personne va te contaminer et tu deviens aussi méchant, méchante. Hein? Donc tu as besoin de travailler, tu es devenu ridicule, violent parce que tu vis avec quelqu'un qui est toujours violent en parole, qui passe le temps à te dire que tu ne vaux rien, tu n'es rien, hein, et ça t'affecte. Inscris-toi au prochain programme des personnes divorcées, des gens qui ont traversé dans des problèmes difficiles parce que là, on a vraiment fait la cure de l'âme. On a nettoyé l'âme, on a libéré l'âme, on a guéri les blessures qui étaient dans les âmes. Hein. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des blessures, qui ont des blessures dans l'âme. Tu as vécu avec quelqu'un qui t'a offensé, quelqu'un qui t'a blessé profondément et tu t'es peut-être séparé avec cette personne, mais les blessures sont restées. Au point où quand tu es avec les autres personnes, tu n'es plus toi-même. Tu es déjà la mauvaise version de toi-même. Donc ce programme que nous faisons t'amène à devenir la meilleure version de toi-même. Une personne douce, une personne aimante, hein? Une personne joviale. Les fruits de l'esprit se manifestent. Ta joie ne doit pas dépendre d'un être humain. Ta joie dépend de Dieu. Ta joie dépend de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu te sauver. Et quand il commence par l'utile, il commence par te guérir, par te restaurer de l'intérieur, tu guéris toi-même. Maintenant, le reste, l'utile alors, hein, pardon, l'agréable, il fait ça et c'est très bien. Donc, c'est des témoignages comme ça. Il y a plein de témoignages. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas écouter tous les témoignages parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Maman, merci beaucoup. Ils sont nombreux, ces témoignages. Et... Shalom, shalom, shalom, maman Dédé. Écoute ça aussi. Maman, je rends grâce à Dieu pour ce programme qui est fini. Je bénis l'Éternel pour tous les merveilles qu'il a apportées dans ma vie. Ce changement pour dans ma vie. Je ne lisais pas la Bible. À chaque fois que je veux même parler de la parole de Dieu, c'est le sommeil. Même quand je veux prendre même la Bible, c'est le sommeil. Maintenant, me voilà, c'est maman noyée dans la prière. Noyée dans la prière. Amen. Tout le monde qui m'appelle maman, je ne parle que de la parole. Alléluia. Je ne parle que de la parole. Amen. Ce programme a fait quelque chose, m'a fait renaître de nouveau. Amen. Je suis une nouvelle personne. Alléluia. Je le ressens, je suis une nouvelle personne. Amen. Je parle de la parole. Je ne fais plus des choses que je faisais avant. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il n'y a plus les rêves où je mangeais la nuit. Je mangeais les nourritures lourdes la nuit. Plus de rêves. Je ne vois que des choses merveilleuses dans les rêves, Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Ce programme a changé. C'est une école. Nous sommes entrés à la CIL. Donc là, maintenant, nous nous préparons que j'entre au préparatoire. Oui, maman, jusqu'à ce que j'aie le diplôme de cette école, de cet enseignement, de ce programme. Trop de bonnes choses, trop de changements dans ma vie. Tout le monde m'appelle pour me dire, mais finalement, on est avec qui là? Qui nous parle même? Est-ce que c'est Mado? C'est qui? C'est la même Mado. Je rends grâce à Dieu pour ce programme, pour cet enseignement qui m'a transformé. Amen. Je rends grâce à Dieu. Amen. Écoutez, et là maintenant, on a fait le dernier jour, on est en train de détruire les serpents. Vous allez écouter la suite du témoignage. Sa voisine au quartier, tout le monde sait qu'elle a le serpent. Elle vous parle là, elle n'est pas dans son quartier, elle est en balade. Donc elle est dans un autre coin. Les enfants l'appellent à la maison. Que la voisine dit que laissez-moi, laissez-moi. Vous voulez me tuer, pourquoi? Écoutez la suite. Dernièrement, quand on a prié sur les serpents, il fallait écraser les têtes des serpents. Maman, j'ai prié, que moi-même j'ai prié, j'ai lu la Bible pendant des heures. J'ai repris les mêmes prières que tu nous écrases la tête de Satan, écrasons la tête des serpents, les têtes des serpents. Maman, il y a notre voisine, c'est-à-dire qu'au pays, que tout le quartier se plaint que la femme l'a laissé passer. C'est pas qu'on se plaint, mais elle en a, puisque parfois les gens même voient. Au moment où moi je priais, elle ne faisait que pleurer aussi chez elle que mon sac, on me tue pourquoi, on l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin l'a ramené que ça c'est la sorcellerie, elle n'a pas une maladie, elle n'a rien, tout est normal dans sa tête, dans sa vie, toutes ces températures, tout est normal. Mais ça c'est la sorcellerie, elle cherchait vraiment autre chose. Elle ne faisait que crier, mon sac est derrière. On dit quel sac est derrière. Donc son sac de serpent est derrière. Son sac jusqu'à l'heure, si maman. On lui dit, bon, quand le médecin lui dit, rentre à la maison, vous n'avez rien. Elle dit qu'elle ne rentre plus là-bas parce qu'on lui donne son sac. Son sac est pas, sa fille l'a amené. Donc maintenant, elle a changé de quartier, elle est de l'autre côté. Mais là-bas, sa fille ne fait que dire, mais c'est quel sac. Jusqu'à sa fille dit qu'elle cherche aussi un prêtre. Ce sont les enfants qui me disent, cherchez un prêtre pour aller, pour lui soigner. Un prêtre dit que vous n'avez rien vu encore. Je t'ai dit, maman, elle ne fait que ce n'est que ça qui est dans sa bouche. Le sac, mon sac, on a écrasé ma tête me fait mal, ma tête, mais tous ces paramètres sont normaux. Mais elle ne fait que crier. Donc ce n'est que le mot là, mon sac, ma tête est écrasée, mon sac. Voilà, maman. Je rends grâce à Dieu, maman, d'aider. Alléluia. Donc, notre programme était équilibré. Les anciens ont eu chaud, vous comprenez? Elle a pris pour écraser la tête de ses parents. Maintenant, sa voisine va pleurer au quartier. Ma tête, vous cassez ma tête. On casse ta tête, quoi? On casse la tête du serpent. Si c'est toi le serpent, tant pis pour toi. Donc, c'est des choses, c'est tellement de témoignages qui sont bien. Bonjour, maman d'été. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Moi, le témoignage que je voulais faire, c'est qu'effectivement, j'avais en fait. J'ai une grande ride. La ride. Tout le long du front. Avant, elle était vraiment tellement visible que là, c'est vraiment à peine. On la voit, mais elle n'est pas aussi visible qu'avant. Elle n'est plus aussi visible qu'avant. Avant, c'était vraiment, dès que je me regardais dans le miroir, je ne voyais que ça. J'ai l'impression que qu'en fait que j'avais un masque et que là en fait c'est mon visage que je revois maintenant. Amen. Visage. Avant, depuis quelques temps, j'avais même peur de me regarder dans le miroir tellement j'avais pas l'impression que c'était moi. En fait, dans la glace. Alléluia, c'est tellement de témoignages. Je vous ai dit que je vais mettre tous les témoignages. Vous allez aller sur le site de l'écoledessai.com. Il y aura tous les témoignages de l'école d'Estelle, de tous les programmes. Vous aurez le temps d'écouter les témoignages en profondeur, de vraiment écouter, vraiment vous aurez le temps, parce que là je peux pas vous faire écouter tous les témoignages. Il y en a tellement, il y a eu trop de témoignages cette fois-ci. Même le programme passé, j'ai pas eu seulement le temps de vous balancer les témoignages. Maintenant ce soir aussi, quand je parle aux gens de Jésus-Christ de Nazareth, les gens pensent que c'est de la blague. La gloire, c'est pour Jésus de Nazareth. C'est lui qui a fait toutes ces choses. C'est lui qui fait toutes ces choses. Je dis aux gens de recevoir le Seigneur. Recevez Jésus-Christ. Recevez le Seigneur Jésus. Et vos vies auront un sens. Maintenant, ceux qui l'ont déjà reçu, arrangez vos vies avec le Seigneur. Pourquoi vous voulez aller en enfer? Pourquoi vous tâtonnez encore? Je vais vous faire écouter un témoignage. Je suis là, vous voyez, je suis bien fatiguée. Mais j'ai dit, je vais faire l'émission aussi aujourd'hui. Parce que je suis tombée sur une vidéo encore. Vous savez, moi, je suis là pour... Dieu m'envoie des vidéos pour venir édifier les gens avec. Pour venir réveiller les esprits des gens, des hommes, des femmes, des parents, des enfants. Pour venir dire que réveillons-nous, réveillez-vous. Jésus-Christ est en train de venir. Il y a des gens qui s'amusent avec leur vie. Il y a des gens qui s'amusent avec les vies des autres. Mais quand tu as le Seigneur Jésus-Christ, il te préserve. Quand tu as le Seigneur, il t'enlève au mauvais endroit, au mauvais moment. Quand tu as le Seigneur, je me souviens une année, je suis allée au Cameroun. Les gars avaient prévu venir m'agresser. C'est le jour-là que j'ai décidé de partir dormir au bureau à l'église. Pourtant, on m'attendait à la maison pour me braquer. Le Saint-Esprit me dit « Dors ici ». Et je me suis couchée. Je me suis assise. Mes enfants me disent « Maman, on ne rentre pas. Dieu ne rentre pas. On dort ici aujourd'hui. » Pourtant, il y a des gens qui m'attendaient chez moi si je rentrais. Quand tu as le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit va créer un mouvement pour t'épargner. Le Saint-Esprit va défendre ta cause, défendre tes intérêts. Une femme qui meurt comme ça parce qu'elle rencontre un sorcier, elle épouse. Je vous ai dit que moi, je suis la maman qui regarde la sorcellerie. Je vois ça partout. Donc, dès qu'il y a un truc de sorcellerie, je connais. Je connais, vous allez me dire que je vois ça partout. Un homme qui brûle une femme parce que la femme le refuse. Attends, je vais te faire écouter l'histoire. Parce que c'est les choses que quand on vous parle, quand j'ai dit que je serais une maman compliquée pour que ma fille ait un mariage, ça sera compliqué. Mieux vaut vous rester là, on sert le Seigneur, on va partir au ciel, que de partir dans les conneries et puis pour partir en enfer. Écoutez, vous allez écouter quelque chose. Voilà. Écoutez. Il me menaçait, il me bastonnait chaque jour. Il me torturait. Il va me tuer. Il a menacé mon carrosse là où il est bandé avec des bouteilles de bière. Il m'a lancé avec plusieurs bouteilles de bière. Il me torturait. La voix tremblante. Alors que Larissa raconte à peine son mariage d'enfer, elle se tord de douleur pour une brûlure de troisième degré à elle infligée par un feu maléfique survenu au quart de la nuit de lundi. J'ai la chaleur que l'on a chauffée. J'ai suspendu la table et a pris le feu. La faute brûlait. J'ai commencé à crier. Les cris ont alerté le voisinage. J'étais dedans. J'entends à l'intérieur, Bombo, sauve-moi, Bombo, sauve-moi. Bombo, sauve-moi, là, je veux même ouvrir la porte, je m'embrouille. Pourquoi? Parce que quand je soulève les yeux, je vois la flamme qui vient vers chez moi. La flamme est en train de monter. Elle est dedans. La flamme envahit déjà toute la porte. Il n'y a pas moyen de sortir. Elle étouffait là-bas dedans. Elle avait peur de la flamme. Maintenant, au moment de sortir, elle était déjà toute brûlée. Elle est sortie, elle est tombée si boum. Moi, j'ai même cru qu'elle est morte. Un feu à provenance inconnue. Les supputations du voisinage explorent toutes les possibilités. J'ai cru que c'était le réchaud, que peut-être qu'elle voulait préparer, comme elle préparait sur le réchaud, dans le réchaud à pétrole, qu'elle voulait préparer. Et ça a pris feu. C'est là, quand elle regarde bien, je constate que c'est le bidon. C'est là où lui, il boit le bidon. Le bidon tombe ici. Quand ça tombe ici, le contenu se met à visceller. Et comme il y avait les flammes, ça a immédiatement pris feu. Le bidon contenait de l'essence. Quelqu'un est donc passé par là. Des soupçons pèsent sur son époux, un certain Gislain, avec qui elle est légalement mariée depuis 3 ans. La relation est chancelante, en effet, depuis quelques mois. Ce qui a poussé la dame à quitter le foyer pour la location de cette chambre au quartier Bankolo, à Yaoundé. Au fond de cette séparation, des violences conjugales. Une véritable série de frénésies vécues 3 années durant, à la maison et hors de la maison, sous le regard des voisins. Là où il y avait la boutique, le monsieur en géant, question venait souvent me battre. Il tapait sur elle au niveau du carrefour, là où il y avait la boutique. Il y a une fois, il avait une tapon, on s'est dit qu'elle est morte. Il tape, il ménage, il dit c'est moi qui vais te tuer, si je te tue pas, c'est moi qui vais te gâter. Une femme devenue tam-tam, bastonnade du mari à tout temps et à tout lieu, servie comme un déjeuner quotidien. Marianne, la cadette de Larissa, a vécu quelques-unes de ces démesures en période délicate. Elle était enceinte. Elle était nommée à cause carterne parce que bien après, je suis rentrée au village chez nous avec elle. Elle a fait 1 mois, elle a accouché. Et le monsieur là, il ne sait combien le prix de la couche de l'enfant là, ni ce que l'enfant mange jusqu'à aujourd'hui. C'est ma mère qui souffre sur ça, elle fait tout le confort. Dans cette station-service non loin, le pompiste de nuit sous anonymat affirme avoir servi de l'essence au monsieur dans un bidon vers Bidou. Actuellement à la brigade de Bankolo, lui-même venu de ses propres pieds, le suspect lit les faits en blanc. Le commandant de l'unité, sans commentaire, dit avoir reçu il y a quelques semaines une plainte de sa femme contre lui pour menace de mort. Les enquêtes sont en cours. Vous sentez la phrase? Je puis. Alléluia, vous avez entendu ça? Un monsieur qui va brûler une femme, sa femme, hein, qu'il a épousée, et elle est devenue son tam-tam, il tape, il fait ceci, la femme donc est partie de la maison. Elle quitte la maison, elle pense que c'est ça qui va faire en sorte que le type un peu lui colle la paix. Donc le monsieur, lui, il s'en fout. Pardon, il s'en fout. Et une nuit comme ça, le monsieur, partout, elle a quitté la maison, elle est partie louer une chambre au quartier. Et le monsieur, maintenant, il a suspecté, il a cherché partout là où la fille pouvait habiter. Il arrive, elle, dans un quartier, dans une chambre, la nuit pendant que la fille dort. Vous connaissez les bidonvilles de l'Afrique. Il va acheter le carburant, il va verser. Elle brûle comme ça. Quand je viens ici m'asseoir pour venir vous dire que cherchez Jésus de Nazareth, cherchez Jésus. Les gens qui nous parlent que la délivrance n'a pas de sens, je dis souvent ça, hein. À partir de mes prochaines vidéos, si tu as fait des pratiques chez les féticheurs, c'est ce qu'on va traiter. On va prier en live. Tu viens me dire ce que tu as fait, on brise. Parce que ce n'est pas parce que tu ne fais plus que tu as reçu Jésus. On vous dit que quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. La femme s'est affilée au mariage, n'est-ce pas? Elle n'a pas brisé l'alliance du mariage. Le type est parti la tuer. Si elle n'a pas, si le Seigneur ne lui fait pas grâce, elle va mourir. Parce que quand tu l'as brûlé au 3e degré, et je vois le degré de pauvreté, qui va la soigner? À moins que le Seigneur vraiment la sauve. Le monsieur vient la nuit, pendant qu'elle dort, il achète le carburant, il vient verser. D'abord, quand elle était sa femme, il met une craque, ça brûle, elle se réveille. Vous connaissez le sommeil? Tu as déjà bien brûlé. Quand elle était sa femme, le gars, il tapait au carrefour, il tape, il te dit que je vais te tuer. Quand elle a dit qu'elle va te tuer, vous jouez avec. Quand je dis que moi, je serais une maman compliquée, que tu vas venir épouser ma fille ou bien mon fils, je vais bien regarder ça. Mon ami, c'est quelle histoire de mariage que quelqu'un va aller perdre sa vie. Mais tu restes comme ça. travailles ton salut, tu pars au ciel. Tu vas aller en enfer. Une fille comme ça, elle n'a peut-être pas Jésus. Si elle meurt là, elle va aller en enfer. Le type là, qui l'a brûlé là, il peut recevoir Jésus entre-temps. Dieu pardonne ses péchés. Lui, pas au ciel. Il a tué une personne qui va... C'est la même chose. C'est la sorcellerie. Vous allez me dire ça quoi? Comment est-ce qu'une femme normale tombe sur un type comme ça si ce n'est pas la sorcellerie? Les sorcelleries des familles. Quand tu es dans une famille où il y a la sorcellerie, je vous dis souvent ça ici, tu vas seulement tomber sur un psychopathe comme ça. Venez au programme si on va prier. Je connais des personnes qui sont détruites dans le mariage. Des divorcés. Hein? Parce que tu rencontres une personne qui vient rendre ta vie amère, rendre ta vie inutile. Mais tu ne veux pas de moi, tu passes le temps à taper l'enfant de Dieu. Elle quitte même chez toi. Tu viens là où elle va, où tu viens, je vais te tuer ou je vais te détruire. Si ce n'est pas la sorcellerie, vous allez m'expliquer que ça c'est quoi? Tu veux me dire que c'est quoi? Viens me dire un peu, parce que vous connaissez beaucoup les mots, vous connaissez le français, vous connaissez, vous allez trouver un nom à sa maladie. Comme on a vu la dernière fois, le père qui a couché avec sa fille ici. Parce qu'on va venir me dire que non, il a un problème mental et tout. Celui-ci qui part tuer la fille de Trouy la nuit, il part acheter l'essence, il part verser là où la fille l'adore, il craque les allumettes, il part. Il ne pense même pas que ça peut tuer même, parce que ce sont les bidonvilles, ça pourrait même tuer tous les gens qui habitent tout le quartier, ça pourrait faire une incendie ou un incendie général, on dit quoi, un incendie généralisé, ça tue tout le monde, il s'en fout. Parce qu'il y a des esprits qui lui ont dit, il faut tuer la fille là, certainement les esprits de la famille de la fille ici. Certainement les esprits de la famille de la fille si, parce qu'on l'avait déjà sacrifié dans sa famille. Mon ami, même si elle ne meurt pas, elle va souffrir. Elle va souffrir. Et on a écouté le témoignage qu'elle a des enfants. C'est son enfant. Toi, tu es seulement là, tu rencontres seulement les bandits. Les sorciers, les sorciers. Tu as besoin de la délivrance. Quand je viens parler ici, que les gens veulent, les gens pensent que c'est des amusements. Il y a une fille, toujours plein de gens, oui, ah non, je parle de la délivrance. Vous trouvez que non. Vous attendez que ça sera grave. Tu attends qu'on va te brûler comme ça là. C'est là que tu vas commencer à chercher la délivrance. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va casser toutes tes dents dans la bouche. Nous qui faisons la délivrance, les choses qu'on écoute, on ne peut pas venir tout dire ici. C'est quand tu n'auras plus les dents dans la bouche que tu vas te réveiller pour dire que eh, il faut que je me réveille. Hein? Que toutes les dents seront parties de la bouche. Ou bien quelqu'un t'aura, je ne sais pas, cassé une main, cassé un pied, parce que tout ça c'est la sorcellerie. Vous allez expliquer ça comment? C'est quelle qualité de haine? La femme t'a fait quoi jusqu'à ce que tu tues? Il y a des femmes qui tuent les hommes, qui poignardent. Il y a des enfants qui tuent leurs parents. Il y a des... Vous allez expliquer ça comment? Quand je dis que nous devons nous lever contre la sorcellerie de la famille, ça commence là. Parce que ce sont eux qui commencent. Hein? Ils commencent par être transformés par un sorcier inconscient. Tu as le sang de la sorcellerie. Et ils ne peuvent pas t'envoyer là où c'est bien. Ils vont seulement te conduire chez quelqu'un qui va te faire souffrir. Quelqu'un qui va te nuire. Tu es une jeune fille. Ce sera seulement les hommes mariés qui seront sur ta route. Les femmes mariées sur ta route. Personne, rien ne sait rien. Juste des gens qui viennent pour te perdre le temps. Des gens qui viennent pour détruire ta vie. Des gens qui viennent pour t'embrouiller. Des gens même qui vont finir par te tuer. Perdre ta vie. Alors que tu es en train de préparer une éternité. Si la fille avait Jésus-Christ de Nazareth, même quand elle avait prié, le Seigneur l'a préservée. Peut-être même la nuit là, le Seigneur allait trouver une occasion, hein, pour qu'elle ne dorme pas dans cette maison. Si cette fille m'avait rencontré, elle me racontait son problème. On allait envoyer le feu à son type là. Il n'allait même pas avoir la pensée de faire ce qu'il a fait. Quand je dis là qu'envoyer le feu, envoyer le feu, envoyer le feu, ce n'est pas que le feu là va aller tuer les gens. Le feu là s'attaque aux esprits, aux mauvais esprits qui inspirent les gens de faire la sorcellerie comme ça. Parce qu'on allait envoyer le feu au type là. Les esprits qui lui disent que va tuer la fille là. Les esprits allaient le quitter. C'est l'importance de la prière, du combat spirituel, d'être un enfant de Dieu. Tu as quelqu'un comme ça, hein? Il te dit, je vais te tuer. Il te dit ça. Il y en a qui ne cachent pas. Il te dit, je vais te tuer. Je vais te faire. Je vais te montrer. Je vais. On a travaillé sur le programme. C'était terrible. C'était grave. Quand on a commencé, je ne comprenais pas. Quand le Seigneur m'a dit, allez dans ce sens. Je ne savais pas pourquoi Dieu me disait ça. Parce que nos programmes sont révélés. Ce n'est pas un programme établi. C'est-à-dire que Dieu donne le thème, Dieu dirige. Quand on a commencé dans les détails. Hey, les détails, les choses que j'ai entendues, le un soir, j'ai fermé ma Bible, j'ai dit, écoutez, hein, ce que vous m'avez dit aujourd'hui là, je ne peux rien vous dire, je vais aller prier. Ce que Dieu va me dire, je viens vous dire demain. Quand j'ai écouté ce que les gens vivent, quand j'ai écouté les choses que les gens ont traversées, quand j'ai écouté, je suis allée m'asseoir par terre, j'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu es conscient que sur la terre, tu as des personnes qui ont des problèmes comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une femme qui m'a dit que son ex-mari ou son mari a craché sur elle. Il a, pas dans les rêves, il a craché physiquement. Il lui a dit que je vais te montrer, je vais voir ce que tu vas devenir. Je dis quoi? Elle me dit, maman, j'ai dit depuis le jour là, ma vie est comme tu vois. J'ai dit au nom de Jésus. Je suis allée prier. Ce sont les gens comme les femmes qu'on brûle comme ça. Parce que parfois, quand on écoute les gens, on a pitié des gens. On a vu une histoire ici. Oh, les Noirs américains ont tué les Noirs américains. Je ne me suis pas emballée dans ces histoires. J'ai commencé à demander au Seigneur, pourquoi on les tue? Ils sont méchants. Quand vous voyez les gens vivre certaines choses, il y a des victimes, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui refusent Dieu. Et Dieu vous permet que les choses comme ça vous arrivent. Vous allez voir, je dis souvent que quand un homme va venir m'insulter sur ma vidéo, ça va rien me dire. Mais une femme qui va venir m'insulter, parce que les femmes qui viennent insulter, pourtant, il y a des hommes qui les tapent au quartier comme ça. Et Dieu ne peut me mettre sur leur route pour les délivrer. Les femmes, peut-être comme ça, on a prêché l'évangile, elle a refusé. On ne sait pas. Ou bien elle n'a jamais entendu que Jésus-Christ est quelque part. Ou bien elle passe chez un féticheur. Mon ami, tu dors la nuit, la mort vient te trouver sur ton lit. Tu dors la nuit, la mort vient te trouver sur ton lit. Quand je dis allumer le feu, allume le feu en toi, allume le feu chez toi, allume le feu dans ton quartier, envoie le feu à tes ennemis. Je ne vous dis pas souvent d'allumer le feu ici. Tu n'allumes pas le feu pendant que tes ennemis sont en train de comploter. Quelqu'un est en train de comploter qu'à minuit, il va venir te brûler. Elle peut-être c'est physique, mais les autres c'est spirituel. Vous savez ce que les sorciers pensent de vous? Les projets qu'ils font pour vous détruire? Vous ne connaissez pas la sorcellerie. Quand j'ai dit, c'est là que la personne qui vient m'insulter, je prends son nom. Je vais envoyer les démons venir te tourmenter. C'est là où tu vas comprendre l'importance de la libération, de la délivrance. Parce que quand on vient souvent vous parler, vous refusez. Vous pensez que c'est de la blague. Vous pensez que c'est de la rigolade. Pendant que tu dors, il y a des gens qui viennent verser les poudres devant ta maison. Est-ce que tu le sais? Physiquement, spirituellement, il y a des gens qui viennent enterrer les choses devant ta maison. Est-ce que tu sais ça? Pendant que toi, tu es en train de dormir, il y a des gens qui sont en train de faire. Vous avez écouté à quelqu'un avec qui je priais, parole de connaissance, ta photo. Il y a quelqu'un qui a pris ta photo, qui a emmené chez un féticheur. Pendant que toi, tu es en train de dormir, pendant que toi, tu es en train de c'est l'été, tu te balades, tu ne sais pas que quelqu'un est venu faire quelque chose. Pendant que tu n'étais pas là, récupérer la poussière de ta maison pour aller bloquer ta vie avec, détruire ta vie. Pendant que tu dors, quelqu'un vient verser des choses sur ta voiture pour que tu fasses les accidents. Pendant que tu dis, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Il y a des choses qui se passent physiquement. Pendant que tu dis, il y a des gens qui viennent fouiller tes poubelles. Est-ce que tu le sais? Et quelqu'un vient fouiller ta poubelle pour prendre quelque chose qui est sorti de ta maison pour aller pratiquer avec. Pendant que tu dis, il y a des choses qui se passent. Pendant que tu dis, il y a des choses qui se passent. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Elle, pendant qu'elle dormait, elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'elle n'allait pas se réveiller le matin avec tout son corps. Elle n'allait pas se réveiller en bonne santé. Elle allait se réveiller brûlée au troisième degré. Brûlée au troisième degré. je viens te dire que Jésus de Nazareth, reçois Jésus-Christ, viens au programme, on va prier, viens, on va faire ceci. Tu vas dire non, tu vas faire les projets. La femme aussi avait les projets. Elle avait les projets. La délivrance est très importante. Toi qui t'amuses avec ta vie, je vous ai dit que la délivrance t'amène à mettre ta vie au propre. Une femme comme ça qui a épousé un sorcier comme ça, sa vie a quel, elle a, ta vie a quel sens? Tu n'as pas peut-être épousé, mais tu as rencontré des personnes comme ça qui ont juré de nuire. Tu ne cherches pas la délivrance. Non, les pasteurs, tu sont si. Dans ta bouche, ce n'est que les pasteurs. Les pasteurs. Oui, les pasteurs escortent les gens. Oui, les pasteurs montent. Les pasteurs, tu ne regrettes pas ce qui est passé dans ta vie. Tu penses que ta vie, ça va? Tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a un passé et tout le monde a besoin de s'asseoir pour mettre sa vie au propre. L'école d'Esther t'amène à mettre ta vie au propre. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu as des casseroles. Tu as rencontré des sorciers comme ça qui ont juré te détruire. Des copines sorcières, des copains sorciers, des un dans la famille, les sorciers, qui se sont levés et pour, ils ont juré avoir ta peau. Partout là où tu es parti, dans les quartiers où tu as habité, tu as rencontré des méchantes personnes. Peut-être que tu ne connais même pas qu'ils étaient méchantes. Tu as eu des bonnes, tu as eu des boys, tu as eu ceci. Tu es parti à l'école. Je vous ai raconté une histoire. C'est que le Seigneur m'a révélé il y a quelques semaines. Me parlant de mon maître du coup moyen 2. Je ne pouvais pas imaginer. C'est un maître qui nous insultait à l'école. Il nous apprenait à injurier. Les gens ne connaissaient même pas. Quand je rentrais à ma maison, je commençais à raconter des choses. Ma mère me demandait que tu as appris ça. Je dis que c'est le maître qui nous dit. Pendant que je faisais le programme, c'est que le Seigneur me montre ce maître. Comment il envoûtait. Il venait nous envoûter en classe. Après combien d'années? Plus de 20 ans. Près de 30. Plus de 20 ans. Presque 30 ans. Le maître au coup moins d'eux. Le maître de classe. Et toi, tu as fait toute ta vie comme ça. Tu es dans une église, on ne te parle pas de la délivrance. Quand tu es en question, nouvelle créature avec les alliances, nouvelle créature avec les malédictions, nouvelle créature avec la sorcellerie dans le sang, nouvelle créature en mangeant dans les rêves, nouvelle créature en ayant les couches de nuit dans les rêves, tu vois les personnes décédées dans tes rêves, tu es une nouvelle créature. Tu es un sorcier. Je vous dis que vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin d'être délivré. Si cette femme était délivrée, je pose ma main au feu. On ne pouvait, ce qui lui arrivait ne pouvait pas lui arriver. Ça ne pouvait pas. Parce que quand tu es délivré, le Seigneur te préserve. La délivrance, c'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital pour se soigner. Soigner ton esprit, soigner ton âme, soigner ta vie. Ça fait qu'avant, si tu as rencontré les mauvaises personnes, tout ce que les gens ont fait dans ta vie détruit. Et maintenant, tu deviens une nouvelle créature pour maintenant rencontrer des personnes qui viendront te faire du bien. Le premier témoignage qu'on a écouté, c'était quoi? La femme, elle n'avait pas encore duré dans le programme. Elle dit que quand elle est venue, elle rencontrait seulement des mauvaises personnes. On ne lui donnait jamais rien. Mais quand on a commencé à prier, elle me dit, maman, déjà, était bénie. Elle dit, avant, quand les gens voulaient me bénir, le soir, je faisais des rêves où je voyais des personnes nues qui venaient me montrer leur nudité, des personnes qui venaient m'attaquer. Maintenant, je dors paisiblement après la délivrance. Le monde aussi est compliqué. On m'a envoyé une fille pour qui je prie ces jours-ci. Je vais vous parler, vous allez écouter. Vous allez dire que maman aime les trucs. La fille là, il paraît qu'elle allait dans un centre commercial acheter les garnitures des femmes. Et le Saint, elle est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit lui dit, ne touche. Et avec elle, je ne connais pas la marque. Hein. Je vais envoyer la marque là, à mes enfants inbox. Je ne vous dis pas à vous tous parce que je ne veux pas les problèmes inutiles. Les gens qui prient avec moi, il y a une de mes filles qui m'a rappelé. Maman, tu vas nous montrer la marque. Elle est partie acheter les garnitures des femmes. Garnitures, parce qu'une femme a ses périodes, le sang, écoulement de sang. Elle part au supermarché acheter des garnitures. Le Saint-Esprit, elle dit qu'elle était attirée par une marque de garniture avec des fleurs, qui avait un parfum, un jar et tout. Elle était attirée par ça. Le Saint-Esprit lui dit, n'achète pas ça. Elle dit, non, tu ne m'as pas acheté. Son fiancé est à côté d'elle, enfant de Dieu, qui lui dit, ma chérie, n'achète pas les garnitures si. Elle dit non, elle n'est pas achetée. La fille, elle partage la vidéo aussi. Hein. Partage sa pardon. La fille n'a pas acheté les garnitures ici. Dès qu'elle a utilisé ça, c'était les derniers règles qu'elle a vues de sa vie. Elle est partie voir une soeur, un servant de Dieu, qui lui a dit que pardon, je connais, j'ai ma soeur, maman Tchala. Elle, c'est sa spécialité. Je vais te diriger là-bas, qu'elle prie avec toi. Parce que là, tu me dis que tes règles sont parties, si je ne connais pas comment elle est faite avec ça. Elle est partie acheter les garnitures au supermarché. Les règles sont parties. Elle ne se couche pas avec les hommes. Donc, elle n'est pas enceinte. Elle est enfant de Dieu qui vit dans la sanctification. Les règles sont finies. Quand je viens taper ma bouche ici, quand je vous parle des choses, je vous dis que moi, je suis mère. Et vous dites tout, hein. Vous jouez avec vos vies. Continuez à jouer. Il y a une autre qui me dit qu'elle est sortie avec un sataniste. Le sataniste, il a fait quoi sur elle? La fille a les serpents partout sur son corps. Comme je suis même en période de repos, là, j'ai d'abord dit que je vais d'abord vous arrêter. Attendez d'abord que je me repose jusqu'au 15. J'intercède pour que vous n'allez pas mourir. Vous allez arriver au 15. On va traiter vos cas là. Vous avez des problèmes comme ça. Vous êtes des jeunes filles. Vous couchez avec les hommes partout. Vous voyez un homme qui est marié. Vous partez coucher avec. Vous connaissez les casseroles de ça. Vous cherchez la vie, vous cherchez l'argent. Voici une qu'on a tuée ici. Peut-être ce n'est pas l'homme qui va te tuer. Peut-être c'est sa femme. Peut-être la femme de l'homme là est sorcière. Hein? Tu vas mourir. Tes parents vont aller t'enterrer. Tu pars en enfer. Cherchez la délivrance. Vous cherchez la vie. Cherchez la délivrance. La délivrance, c'est la vie. Quand tu es délivré sur la terre, tu ne souffres pas. Au ciel, tu pars. Je vous dis de chercher la délivrance. Quand tu sens que ta vie a un problème, arrête-toi. Cherchez la délivrance. Les vidéos que je vous fais écouter, les témoignages, ce sont des témoignages vrais. Des personnes parfois que je n'ai même jamais vues. Juste avec lesquelles que je prie. Pardon, c'est pour ça que le Seigneur, j'ai dit que les gens qui veulent me voir, venez à Paris, je serai là-bas le Seigneur, par la grâce de Dieu. On va se voir et on va clôturer nos programmes. La délivrance est très importante. Je ne parle même pas beaucoup. Je ne vais pas parler fort, je suis fatiguée. Mais je suis venue parler à une femme. Je parle à quelqu'un, à un jeune garçon. Cherchez la délivrance. Cherchez la libération. Tu continues à caresser les problèmes si tu attends que ça sera grave. C'est comme quelqu'un qui a un cancer. Tu as des petits symptômes. Va à l'hôpital, non. Tu commences à boire les paracétamol. Tu as calmé la douleur. Non, j'ai toujours mal à la tête. Quand tu vas arriver, on te dit que phase terminale, cancer du foie, tu fais comment? Tu commences à pleurer. Tu commences à chercher Dieu. Hein? Cherchez Dieu maintenant. Quand tu as des petits symptômes, tu commences à faire les mauvais rêves. Cherche la délivrance. Les papiers bloqués, les dossiers bloqués. Je vais aller sur le site de l'école d'Estelle, l'écoleestelle.com. Il y aura tous les témoignages là-bas. Vous allez écouter un peu ce que Dieu fait. Vous allez écouter un peu. Pourquoi il y a des personnes, je vais vous dire, j'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire. Elle était mariée à un monsieur. Le monsieur était méchant. Le monsieur ne lui donnait rien. C'est elle qui travaillait pour nourrir le monsieur. Elle travaillait pour s'occuper du type jusqu'à ce qu'elle a divorcé. Un jour comme ça, elle me dit, maman, j'ai gardé des bonnes relations avec le gars. Elle appelle le monsieur. Le monsieur dit que je suis à Château Rouge. Vous savez, Château Rouge, c'est le marché des Africains ici. Partagez la vidéo. C'est le marché des Africains où on va acheter, quand tu veux manger africain, nos manioc, nos ceci, nos cela. Le monsieur l'appelle, elle dit que je suis là-bas en train de faire les courses. Elle demande au type là, hey, tu fais les courses, donc tu connais là-bas, donc tu peux aller acheter des choses. Quand tu étais avec moi, tu étais ton esclave, mon ami. Tu es l'esclave, non, cherche la délivrance. Cherche la délivrance, parce qu'il va rencontrer une esclave esclave. Mais toi, arrête-toi, tu es une femme, tu veux être épanouie, tu veux être libre. Même si tu es délivrée, là où les gens souffrent, tu ne vas pas souffrir. Je sais ce que vous dites, non. Tu ne vas pas souffrir. Corona, si est venu enfoncer les gens, mais les personnes délivrées n'ont pas souffert de Corona. Dieu a tourné ça à leur avantage. Cherchez la délivrance. Dès que tu as déjà reçu Jésus-Christ, parce qu'on commence par recevoir Jésus. Hein. Dès que tu as déjà reçu Jésus, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Les dossiers bloqués. Les bloqués. Moi-même, j'ai eu mes. Il dit que Je peux me parler, dit qu'il y a des témoins qu'on ne peut pas vous donner. Cherchez la délivrance. Qu'on ne vous raconte pas, oui, la délivrance, on n'a pas besoin de délivrance. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Ce que Jésus a tout fait là, c'est qu'il nous a réconciliés avec Dieu le Père. C'était là où c'était tout gâté. Et puis, genre, Jésus est venu nous réconcilier avec son Père Dieu. Hein? C'est là où Jésus a arrangé tout. Mais le reste, Jésus ne va pas venir brosser tes dents. Jésus ne va pas venir combattre les démons qu'il a mis en toi. Il dit qu'il a moins certaines personnes pour libérer les captifs. Tu te rends compte que tu es dans une captivité quelconque. Ne dors pas. Cherche ta libération. Cherche ta délivrance. Tu es dans une captivité. Tu vois tes enfants, ça ne va pas. Tu as couché ton enfant bien. L'enfant commence à devenir un genre. Mon ami, tu dors. Tu vas commencer à déranger les hommes de Dieu quand il sera trop tard. Je suis venu te dire, ne cherche pas quand il commence. Il faut battre le fer quand il est chaud. Tu remarques un truc anormal dans ta vie. Une douleur bizarre. Cherche Dieu. Cherche le Seigneur. J'ai un de mes fils qui m'appelle un jour. Quelques jours. Ah maman, je suis à l'hôpital. J'ai eu un petit mal de poitrine, j'ai négligé. C'est en train de s'aggraver. Je dis, ça s'aggrave comment? Et tu ne me dis pas que je prie. Non maman, je pensais que ça allait passer. Je dis, ne néglige pas une douleur. Dès que tu as mal quelque part, ne néglige pas. Ne néglige pas. Tu ne sais pas là où ça va t'amener. Tu ne sais pas là où ça va t'amener. Ça peut t'emporter, ça peut t'emporter. Commencez à chercher la libération. Commencez à chercher la délivrance. Le prochain programme, si je commence le 15. Le 15, le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur va vous délivrer. N'attends pas que le torchon commence déjà à brûler. Que les problèmes deviennent là comme ça. Pour commencer à dire que oui, Seigneur, Seigneur, pitié de moi. Oh Seigneur, non. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il faut battre le fait tant qu'il est chaud. Inscrivez-vous à ce programme. Une femme qui va mourir comme ça pour rien. Elle va mourir comme ça pour rien. Elle va mourir comme ça pour rien. Ma prière, ce n'est pas qu'elle meure, mais elle va souffrir. Le type est venu là. La brûler. Tu as rencontré un type sadique comme ça. Il y a des gens comme ça. Tu me quittes, je vais te tuer. Tu me quittes, tu vas mourir. Tu me quittes, mon ami. Tu m'as pas épousé ou bien tu m'épouses, tu veux me tuer dans le foyer. Et vous avez dit qu'un, non, Dieu n'autorise pas le divorce. Mais si tu es dans un mariage où on veut te tuer, quitte-tu ça. Mieux vaut ne plus te marier et rester. Tu attends Jésus comme ça que d'aller mourir comme celle-là, celle-là. Elle a même fui. Tout ce n'est pas de fuir, mais il faut être délivré parce qu'il y a des liens. Il faut être délivré. Tu es parti, tu partais chez les féticheurs. Maintenant, tu ne parles plus. C'est pas parce que tu ne parles plus que c'est fini. Oh, j'avais les livres de magie, j'ai jeté. Ce n'est pas tout. Il faut être délivré. Il faut être libéré de ça. Les esprits-là vont te suivre. Pareil comme le type-ci. Tu dois être libre. Tu es dans une famille où il y a la sorcellerie. On t'a consacré au diable. Tes parents adoraient les fétiches. Ta maman était féticheuse. Tout ça, tout ça. Après, toi, tu quittes là. Oui, tu reçois Jésus. Et tu ne cherches pas une délivrance profonde. Ils vont te rattraper. Ils vont te détruire. Ça commence par les mauvais rêves. Le Saint-Esprit m'a demandé d'insister là-dessus. Les gens qui font les mauvais rêves. Ça commence comme ça. Les alertes. Oh, on te poursuit. Oh, on t'arrête. Oh, on t'attache. Oh, on te tape. Oh, tu manges. Oh, tu couches dans les rêves. Il y a même des personnes, tu ne sais même pas que manger dans les rêves, ce n'est pas bien. Il y a des personnes, tu ne sais pas qu'avoir des rapports, c'est dans les rêves, ce n'est pas bien. Oh, tu vois des choses bizarres, tu te maries dans les rêves. Oh, ceci, cela, les personnes décédées. Quelqu'un m'a dit ici là que non, il y a souvent des cas où les personnes décédées viennent nous sauver dans les rêves. Quelle personne vient te sauver dans les rêves? Quelqu'un et moi vient te sauver. Il vient te sauver comment? Et à l'école d'Esther, tu as rencontré quelqu'un comme ça. Peut-être tu as rencontré la personne que tu as oubliée. Avec laquelle c'était une relation, c'était toi qui forçais la relation. Tu étais toujours en train de supplier la relation, en train de commander. Tu penses que c'est seulement au niveau là, même si c'est fini. Regarde un peu ta vie après cette relation. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, à l'école d'Esther, nous amenons les gens à prendre conscience de leur vie, à travailler leur vie, à mettre leur vie au propre. Et on mange les fruits parce qu'il y a des témoignages. Des délivrants de serpents, les serpents qui sont sortis des corps, des choses. Eh, Jésus-Christ. Je vous ai dit que les témoignages, allez sur le site de l'école d'Esther, vous allez écouter tous les témoignages, tous les témoignages. Je mets ça dans le site de l'école d'Esther. Donc, c'est ce que je voulais venir partager avec vous. Je suis un peu fatiguée. Je vais prier un peu avec vous. Tu quittes de relation en relation. Tu quittes avec un gars, il abuse de toi. Tu pars chez un autre, il abuse de toi. Tu as besoin de la délivrance. Quand ta vie tourne en rond comme ça, tu te rends compte que ce que les gens font, ils réussissent. Hein? Et toi, tu arrives, ça ne marche pas. Tu as besoin de la délivrance. Chômage chronique, célibat chronique. Quoi? Maladie bizarre, maladie chronique, pauvreté excessive, toujours frustrée, toujours méprisée. Même dans le foyer, cherche la délivrance. Le Seigneur va te restaurer. Hein? Cherche la libération. Personne ne le fera à ta place. Personne, je dis personne. Personne. Personne à ta place. Tu as besoin que le Seigneur te conduise vers quelqu'un qui a l'onction pour te libérer. L'onction pour te délivrer. L'onction pour rétablir l'ordre dans ta vie. Les gens qui parlent de l'auto-délivrance ici. J'ai une femme qui s'inscrit au programme. Elle m'a dit, maman Dédé, j'ai le serpent. Quand je dors, je vois le serpent couché sur mon lit. Maman, j'ai déjà fait les jeûnes. J'ai jeûné les 7 jours à sec. J'ai déjà prié les 3 jours à sec. J'ai déjà tout fait, le serpent n'est pas parti. J'ai dit, mais les gens qui vous disent que l'auto-délivrant, vous pouvez vous délivrer vous-même. Pourquoi toi, tu n'es pas arrivé à te délivrer? Quand on ne vous raconte pas les histoires, hein? Nous pouvons prier le Seigneur nous aide. Mais quand il s'agit de la délivrance, tu as besoin que quelqu'un qui a une onction supérieure prie pour toi pour que tu sois libéré. Qu'une personne libère ta vie. Tu en as besoin. Mais demain, souvent, le Seigneur te conduit vers la bonne personne. Il y a une femme qui m'a dit l'autre jour, je suis déjà découragée parce que chaque fois que je m'en vais voir, un homme de Dieu avec mes problèmes, il couche avec moi. Je dis, et puis tu viens me dire que fasse quoi? Hmm? C'est parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Comment tu peux aller que tu as un problème? Tu vas chercher voir un homme de Dieu, tu peux accoucher avec. Tu as un problème. Tu ne veux pas la délivrance. C'est tout. Il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Il y a des personnes qui pensent que Dieu, c'est une baguette magique et on va faire des formules magiques. C'est pour ça que les programmes sont au moins 40 jours. Parce que quand on a prié déjà pendant au moins 40 jours, il y a des bases qui sont posées. Maintenant, Dieu peut te libérer comme il peut encore demander de toi un peu plus de persévérance. D'où tu t'inscris au prochain programme, on continue. Des gens, par exemple, il y a une soeur, les fibromes ont disparu dans son ventre. Ou c'est des myomes, ou c'est des fibromes. On a commencé à travailler depuis l'année passée. Elle est dans toutes les retraites spirituelles depuis l'année passée. Elle avait des écoulements de sang. Le sang coulait tous les jours d'elle. Hein? Elle a persévéré. Donc, elle avait un fibrome qui était sur sa veine. Ça, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne suis pas médecin. Ça pressait sa veine et ça faisait qu'elle coulait, elle saignait tous les jours. Elle a persévéré. Le Seigneur la libère. Elle part faire les examens. On trouve que le gynécologue demande que le fibrome là a disparu. C'est parti où? Elle me demande, maman, le monde demande que c'est parti où? Je dis, mais c'est parti où? Comment que ça a disparu? Que le Seigneur t'a délivré. Mais toi, tu attends seulement quand les problèmes seront graves. Tu as des problèmes dans ton foyer. Commence à prier maintenant. Tu attends quand le mari va partir, la femme va partir, que tu vas commencer à prier. Et l'école d'Esther, c'est pour te réveiller. C'est pour te réveiller. Tu es parent. Viens, on va prier pour tes enfants. Voici les vacances. J'ai une de mes filles. Tu vas partir en vacances, c'est ça. Avant qu'elle me rencontre, elle se lève un matin. Son enfant lui dit, maman, allons en vacances, allons en vacances, allons en vacances, allons en vacances. La femme n'avait pas le projet d'aller en vacances. Elle porte ses pieds pas en vacances. L'enfant est parti se brûler. Tombé dans la bassine d'huile. Brûlé au troisième degré. C'était que le cinquième jour de vacances. L'enfant est aujourd'hui handicapé. Quand il veut te dire que viens, on va prier, ou bien avant d'aller en vacances, viens, on prie. Tu vas me dire, non, j'avais déjà programmé mes vacances, j'avais déjà réservé l'hôtel, j'avais déjà ceci, cela. Mon ami, tu sais ce qui t'attend dans tes vacances là. Il y a des personnes qui sont allées en vacances, ils sont rentrées, ils ont perdu le travail. Ils ont le voyage s'est gâté. Ils ont eu des problèmes. Cherche ta délivrance avant d'aller en vacances. Profite de tes vacances pour prier pour ta vie. Profite de tes vacances pour prier pour tes enfants. Profite de tes vacances et déjà même que avec ces programmes, tu peux prier où tu es. Partout là où tu es. Même si tu pars en vacances, même pendant les vacances, tu peux avoir un temps de prière. Ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire. Il y a peut-être des conséquences graves qui pourront t'arriver. Tu vas regretter. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Et je vais prier avec quelqu'un. Mon numéro WhatsApp est inscrit là. Hein? Regardez ça. Inscrivez-vous. Pour ceux qui ont besoin de prière, d'accompagnement et tout, nous avons deux chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Abonnez-vous sur cette vidéo et regardez, priez. Hein? Je reviendrai encore par la grâce de Dieu pour faire des prières chaudes et tout. Mais là, je suis un peu fatiguée parce que je suis dans un lourd programme et de jeûne et de prière et de ceci. Et je n'ai même pas encore fini de prier parce que quand je finis mon programme, je prie pour toutes les personnes qui sont dans le programme, même si elles sont combien. J'appelle les personnes pour prier avec elles. Donc, je suis en train de faire la ronde. Mais c'est des périodes, c'est des séances de délivrance. Et la délivrance demande de l'énergie. Ça demande de la force. Parce que tu pries sur quelqu'un, tu déclares, tu parles. Hein? Il faut avoir la force. Donc, quand j'ai fini de prier pour quelqu'un, que c'était un peu, je me repose d'abord avant de prier pour l'autre. Inscris-toi à ce programme. Et les gens qui disent, oui, je veux une prière, prie pour moi, pour que je ne prie pas pour les gens comme ça. Quand tu veux, tu viens au programme, on prie, je t'enseigne des bases. Vous avez écouté les témoignages. Je t'enseigne d'abord des bases pour ton salut. Après, je peux prier pour toi. Et puis, je t'enseigne comment toi, tu peux continuer à prier. C'est ça, un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas de te maintenir dans la dépendance, non. Mais toi, tu dois avoir aussi ta relation avec le Seigneur. Comment tu peux prier pour tes enfants? Comment tu peux prier pour ta maison? Comment tu peux prier quand tu as beaucoup d'ennemis? Les prières de combat, les prières de repentance. Oh, pendant le programme, nous faisons de la repentance. La repentance dans les moindres détails. Quand vous écoutez les gens dire, je suis légère. Vraiment, il y a une maman, elle me dit, maman Dédé, dans ma maison, on a créé des églises. Mais je ne savais pas ce qui était mon problème. Pendant le programme, si, pendant qu'elle prie, Seigneur, pourquoi je souffre? Le Seigneur lui montre un enfant qui est en train de souffrir. C'est un enfant qu'elle avait avorté. Et l'enfant là est en enfer en train de pleurer. Vous qui dites que les enfants qu'on avorte n'ont pas tout seul. C'est écrit dans quelle Bible? L'enfant est en train de pleurer. Elle dit qu'elle veut prendre l'enfant. L'enfant dit, le Seigneur dit que c'est l'enfant que tu as avorté ici. Les pleurs de l'enfant là tourmentent ta vie. La femme m'a envoyé le voice ce matin en pleurant. Ceux qui étaient dans le programme ont écouté. Elle pleurait. Il y a une autre encore. Elle dit, le Seigneur m'a parlé. Oh, elle pleure. Donc nous faisons les... Elle dit que quand tu fais la repentance avec nous là, quand on te dit qu'elle va encore pécher, tu vas tourner. Elle dit que tu vas regarder comme ça que hey, moi si. Parce que nous arrivons à un moment où nous voyons le péché comme Dieu voit le péché. Nous avons le péché en abomination comme le Seigneur est en train de voir. Et on implore la miséricorde du Seigneur. Nous regrettons nos péchés. Nous implorons la grâce de Dieu. Et nous disons, Seigneur, s'il fallait recommencer, ça là ne va plus jamais recommencer ça. Pendant que toi tu pêches le matin, le soir tu demandes pardon, tu pêches le matin, le sang de Jésus, là, mais tu vas aller en enfer. Et ta vie est bloquée. Donc les programmes, ce n'est pas la tête qu'on raconte à quelqu'un. C'est des programmes qui se vivent. Est-ce que vous comprenez? C'est des programmes qui se vivent. Venez aussi expérimenter les programmes de l'école d'Esther. Venez vivre ça. Et vraiment, vous allez aussi dire, si le Seigneur ne va pas transformer votre vie, d'abord votre vie de prière, votre relation avec Dieu, ça va changer. Il y a une de mes filles qui m'a dit, Madé, quand on t'écoute, on a envie d'aimer Dieu encore. Mais oui, si tu écoutes quelqu'un qui ne t'amène pas à aimer Dieu, quitte ça. Notre but, c'est de nous amener les hommes à aimer Dieu, à s'approcher de Dieu, à avoir l'intimité avec Dieu. Oui, à s'attacher au Seigneur. Il y a quelques jours, j'étais comme ça parce que j'avais tellement écouté des témoignages, des libérations. J'ai commencé à dire, Jésus-Christ de Nazareth, qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Toi qui ramasses de la poussière, qui fais asseoir avec les grands, tu délivres les captifs. Une fois, on me dit, Jésus de Nazareth, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Aucun problème devant Jésus ne peut manquer de solution. Aucun problème. Aucun problème. Tu connais quelqu'un qui a des problèmes. Quelqu'un qui souffre. Il y a des gens qui ont inscrit les personnes qu'elles aimaient. Et Dieu les a libérées. Tu connais quelqu'un que tu aimes. Hein? Inscris-le à ce programme. Tu viens, on va prier. Peut-être moi, je n'ai pas besoin, mais toi, je sais que tu as des sérieux problèmes. Va un peu dans le programme, là, va prier avec sa femme. Alléluia. Donc, je vais prier pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur. Je vais t'amener à faire cette prière afin que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Dis, Père éternel, ce soir, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour les péchés originels, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Lave-moi avec ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie. Accorde-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais prier pour toi qui as reçu le Seigneur. Et je vais aussi prier pour toi qui regardes cette émission. Je vais prier pour quelqu'un qui a un problème difficile. Il y a quelqu'un, il y a un témoignage, je n'ai pas envie de vous faire, mais je vous dis, il y a une sœur, elle a fait les deux programmes avec nous. Elle me dit, maman Dédé, je suis allée à l'église. J'ai eu envie, après ce programme, j'ai eu envie d'adorer le Seigneur. Et je suis allée dans mon église, parce que ce n'est pas l'église, hein, qui a, tu es dans une église, tu as un problème de délivrance, viens prier, tu rentres dans ton église, on n'a pas, c'est pas, l'école d'essai, c'est pas une église. Maintenant, il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se deviennent nos enfants spirituels, vous comprenez? Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Elle dit qu'elle allait à l'église, elle allait s'asseoir au fond de la salle. Et il y avait l'adoration. Le pasteur a quitté devant pour venir la saluer. Pareil pour la femme du pasteur. Elle est dans cette église, il y a une soeur qui est prophétesse. Et la soeur qui est prophétesse là vient la saluer, commence à prier avec elle. Et la soeur lui dit, je sens que tu sors d'un programme de prière. Je vois ta vie libérée. Je vois les pharaons qui te poursuivaient. Dieu les a vaincus. Elle me dit, maman, j'étais émerveillée. La femme a commencé à prophétiser sur elle. Quelque chose de grand va t'arriver. Tu sors, le Seigneur t'a libéré. Une personne hein, qui ne connaît pas qu'elle avait prié dans le film, elle venait vivre le programme ci. Pourtant, une soeur qui avait des cas, elle m'a rencontré des sérieux problèmes. Elle me dit, maman, j'ai voyagé pour aller rencontrer les hommes de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Jésus allait partout. Mais mon problème, c'est ça. Je lui dis, attends, Dieu Seigneur Jésus, hein, ce n'est pas moi qui délivre, c'est Jésus de Nazareth qui délivre. Jésus de Nazareth va te délivrer. Et à la fin du programme, le Seigneur a confirmé qu'il l'a délivré par une autre personne qui ne connaissait même pas ce qui s'est passé. Elle m'a appelé hier pour me dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, je vais prier pour quelqu'un qui pense que sa vie est finie. Et puis, tu as un bourreau comme ça, comme le sorcier, c'est qui te poursuit. Ou bien, tu as une maman. Tu as un beau-fils. Ou quelqu'un qui te menace comme ça. C'est pour toi que je prie. Pour toi qui as un problème. Lève ta main là où tu es. Je prie pour toi. Je prie que le Seigneur te touche là où tu es. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à prier. Il y a des personnes qui, quand elles ouvrent la Bible, elles dorment. Il y a un témoignage comme ça. Quand moi j'ouvrais ma Bible, je dormais. Il y a une soeur qui m'a dit, j'avais une Bible dans ma maison. Depuis qu'à la neige, je n'avais jamais ouverte. Mais depuis le programme, c'est, je lis la Bible, je lis la Bible, je lis la Bible, je lis la Bible. Alléluia. Je prie pour toi là où tu es, que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te touche, quel que soit le problème que tu as. Notre Dieu, il est élevé, élevé, élevé. Les problèmes là sont petits comme ça. J'élève Jésus au-dessus des petits problèmes qui te dérangent. J'élève Jésus au-dessus des petites maladies qui te troublent. J'élève Jésus au-dessus des petites difficultés que tu as. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je prie que le Seigneur te libère. Je prie que le Seigneur te restaure. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que le Seigneur te guérisse. Qu'il t'ouvre les portes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu descend sur toi. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Donc, je suis Maman Tiala et cette émission, c'était juste pour venir réveiller les esprits des gens. Je vous ai dit que je suis un peu fatiguée physiquement parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts. La délivrance, c'est un travail qui nécessite et de l'énergie. Hein? Les gens qui disent là que oui, Dieu a dit, Jésus a dit, écoutez, hein, prendre du temps, ne pas dormir pendant 100 nuits pour prier pour des gens, c'est pas donné. Il faut une consécration spéciale. Priez pour des gens. Écoutez des personnes. Portez les fardeaux. Jésus dit, portez les fardeaux des uns des autres. Hein? Est-ce que vous comprenez? Jeûnez pour des personnes. Quelqu'un a un problème qui n'est pas le tien. Hein? Tes problèmes ne peuvent rien en rien nuire à ma vie. Mais quand tu fais, dit que ça devient un fardeau, quand quelqu'un t'explique son problème, ça devient le tien. Tu es devant la face du Seigneur pour dire que Seigneur, libère ton enfant. Ne laisse pas le diable détruire celui-ci. Ne laisse pas, c'est des fardeaux. Quand Dieu dit, hein, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ce n'est pas petite chose. Et maintenant, les esprits de vos familles que nous chassons, si nous n'avons pas une relation forte avec le Seigneur, les esprits-là peuvent revenir nous attaquer. J'ai une femme qui m'a dit, la dame dont je vous dis là, qu'une prophétesse a confirmé sa libération. Qu'elle, je ne le connais pas. Elle me dit, maman, tous les pasteurs avec qui je priais, on prie deux fois, après ils fuient. Donc toi, depuis que tu priais, moi là, on n'est pas encore venu t'attaquer. Tu dis, qui va venir m'attaquer? Donc elle savait que ses problèmes, tous les pasteurs avec qui elle a prié ont fui. Que t'as pas assis. C'est seulement Dieu qui va t'aider. C'est Dieu. Et même il fuit parce que les répercussions de ça. Et puis tu as tes problèmes de démons. Quelqu'un veut t'accompagner. Tu viens faire la gueule. Mon ami, il faut gérer tes démons. Gère tes démons. Gère tes esprits. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous à ce programme. Hein? Ce sont les vacances. Ce qui est... Même si tu pars en vacances, tu peux prier. Donc inscris-toi. Il y a mon numéro WhatsApp là et je te dis comment ça marche. Et nous prions tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs. Et le Seigneur libère, le Seigneur guérit, le Seigneur bénit, le Seigneur fait des merveilles. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous bénis, je vous salue. Je suis Maman Tiala. Priez pour moi aussi. Pensez à moi dans vos prières. Demandez au Seigneur de me fortifier. Demandez au Seigneur de continuer à me donner cette motivation de prier. Parce que ce n'est pas facile de prier pour les gens. Je peux faire autre chose, mais c'est la nécessité m'en est imposée parce que les gens ont trop de problèmes. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous sanctifie. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube, abonnez-vous, partagez les vidéos, parlez de ça, de ce programme aux personnes, et je sais que le Seigneur vous fera du bien. Alléluia. Et à très très bientôt au nom de Jésus. Je dis